بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى donc comme tous les dimanches entre le maghrib et la isha, on continue quant à la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et la semaine dernière, on s'était arrêté quant à l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. On avait parlé de cette arrivée-là et des premières choses qu'avait mis en place alayhi salatu wassalam à Médine. Donc on avait dit qu'il avait commencé par édifier la mosquée, qui fut la première mosquée à Médine. Et je rappelle encore une troisième ou quatrième fois que la première mosquée édifiée après la venue du prophète alayhi salatu wassalam, ce fut la mosquée de Quba, d'accord, dans la ville de Quba. Ensuite, le messager d'Allah a édifié avec l'aide des compagnons, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, cette mosquée, qui est la mosquée du prophète à Médine. Et on avait donné la description de cette mosquée-là. On avait rappelé qu'elle faisait à peu près 50 mètres carrés. Et on avait dit que cette mosquée, elle servait à accueillir les pauvres, à accueillir les indigents, à nourrir les pauvres, à accueillir les gens, à réconcilier entre les gens, à héberger les gens qui n'avaient pas de toit. C'était une mosquée qui vivait, contrairement malheureusement à la majorité des mosquées qu'on voit au jour d'aujourd'hui, qui même, dans certaines mosquées, ils sont obligés, poussés par les responsabilités, ou plutôt les responsables qu'il y a dans certaines mosquées, à fermer les mosquées après chaque prière. Et ça c'est une erreur, et c'est contraire à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, non seulement elle était ouverte, mais on voyait qu'il y avait Ahlus Sufa, comme on verra par la suite, les pauvres de Médine qui mangeaient dedans cette mosquée et qui dormaient dedans cette mosquée. C'était un lieu où ils pouvaient se rencontrer pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas un lieu de commerce. On avait dit il y a un juste milieu. Une mosquée n'est pas édifiée ou mise en place pour pouvoir commercer dedans ou parler des choses mondaines de la vie d'ici-bas ou pour hausser le ton. Tout ceci est contraire à la sunna. À la kulli hal, cette année, l'année où a été édifiée la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, ce fut le début du calendrier musulman. D'accord, il faut savoir que les Arabes à l'époque basaient leur calendrier sur l'année de l'éléphant, Amul Fil. Et il y avait les Romains à partir de la fondation de Rome, et les chrétiens à partir leur calendrier, ils le basaient à partir de la naissance de Isa alayhi salam jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, plusieurs propositions ont été apportées à Omar ibn al-Khattab pour décider du début du calendrier musulman. Et la proposition, je vous le dis de façon brève, la proposition qui a été retenue, ce fut l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam de Mecca à Al-Madina, de la Mecque à Médine. Donc certaines propositions lui avaient donné, comme par exemple la naissance du prophète alayhi salatu wassalam et autres. À la kulli hal, à l'époque du califat de Omar ibn al-Khattab, donc ils ont opté et ils ont décidé que le calendrier musulman débuterait l'année de l'émigration. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme on l'avait dit, après avoir édifié la mosquée, il a mis en place ce qu'on appelle cette fraternisation entre les musulmans. D'accord ? Bayna, comme on l'avait cité la dernière fois, entre al-muhajirun et al-ansar. D'accord ? Entre les émigrés et ceux qui ont accueilli les émigrés là. Donc il y a eu cette fraternité jusqu'à ce qu'on avait cité dans le hadith de Bukhari que Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu arda a reçu, ou a été reçu plutôt par Sa'd ibn Rabi'a, jusqu'à ce que celui-ci ait proposé la moitié de ses biens. Non seulement la moitié de ses biens, mais il a proposé aussi une de ses deux épouses. Il lui a dit, moi j'ai deux épouses, choisis celle que tu désires. Il lui a permis de choisir entre une de ses deux épouses, et il lui a dit, choisis une de mes deux épouses qui te plaît, et après sa période de viduité, tu pourras l'épouser. Donc on voit le degré qu'ils avaient atteint de piété et d'application, quant au verset coranique. Et on a rappelé le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que le croyant doit donner de ce qu'il a de plus cher, quand il dit Allah azza wa jal dans le Coran al-Karim, وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ أَوْ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindriez ou vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous donnerez de ce que vous avez de plus cher. Et as-sahaba radiyallahu anhum wa arda, et particulièrement al-ansar, ils l'ont fait. Ils l'ont fait quand ils ont accueilli de la meilleure façon al-muhajirun, les émigrés. Ils l'ont fait quand ils ont accueilli les émigrés. Et ça, c'était une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que toi, tu gratifies une personne ou tu es reconnaissant envers une personne en utilisant un bienfait qu'Allah azza wa jal t'a donné, ceci est une reconnaissance envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Car on avait rappelé le verset coranique, où Allah Azza wa Jal rappelle que la reconnaissance ne se fait pas qu'avec la langue, mais aussi avec le cœur et avec l'action. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, wa'amalu al-amal, wa'amalu ala Daoud ashukra, et œuvrez aux vous familles de Daoud, et œuvrez aux vous familles de Daoud par reconnaissance. Œuvrez. Donc la reconnaissance se fait par l'action, et comme l'ont fait as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et particulièrement ici al-ansar. Et on avait on s'était arrêté concernant un hadith rapporté par Muslim qui montrait le fait ou qui montrait l'importance d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. On s'était arrêté là. C'est le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu arda, un très beau hadith assez long, je vous lis, et peut-être vous l'avez déjà entendu ou peut-être déjà lu sûrement même, lakin c'est un hadith qui prête il prête à méditation. Il faut méditer ce hadith là et ça nous rappelle que une personne qui est gratifiée par un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve, et il doit être reconnaissant envers celui qui l'a gratifié, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de n'être, ou plutôt par crainte que ce bienfait ne lui soit ôté. Le prophète alayhi salatu wa salam rapporte qu'Allah azza wa jalla a envoyé un ange à un lépreux, à un aveugle et un chauve, rapporté par Muslim. Un lépreux, un aveugle et un chauve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cet ange-là vers le lépreux. Et cet ange-là lui a posé la question, en lui disant, qu'est-ce que tu souhaiterais? Quelle est la chose que tu souhaiterais le plus? Et le lépreux a demandé d'avoir une peau saine, une belle apparence. Et il lui dit, et quel bien tu souhaiterais le plus? Et le lépreux a demandé une chamelle. Et voilà que, ici, ce lépreux a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un corps sain et un beau corps, ainsi qu'une chamelle pleine. Et il a reçu l'invocation de l'ange, qui celui-ci a dit, Allah bénis-lui sur cette subsistance-là. Qu'Allah te bénisse cette subsistance, cette chamelle et autres. Et pareil, de la même manière, cet ange-là est parti voir le lépreux, le chauve, et lui a dit, qu'est-ce que tu désirerais le plus? Il dit, c'est retrouver une belle chevelure. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé ce désir-là. Il a retrouvé une très belle chevelure. Et il lui a dit, cet ange-là, quel bien préférerais-tu avoir ou aimerais-tu avoir? Et ce chauve-là a dit, j'aimerais avoir une vache. Et voilà que l'ange a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah azza wa jal lui a octroyé donc ce qu'il a demandé. Il a retrouvé une belle chevelure. Et il a eu un troupeau. D'accord? Et ensuite, l'ange est parti voir la troisième personne qui est l'aveugle. Et il lui a dit, bien sûr, tout le monde connaît la réponse, qu'est-ce que tu désirais le plus? Et l'aveugle a dit, j'aimerais retrouver la vue. Et il lui a dit, quel bienfait? Quelle subsistance aimerais-tu avoir? Quel bien aimerais-tu avoir ou désirais-tu avoir? Et ici, cet aveugle-là a demandé des moutons. Et voilà que cet ange-là, a répété la même chose, qu'Allah te bénisse. Et ensuite, suite à cette rencontre-là, on lui donna au deuxième une vache pleine, et l'ange lui dit qu'Allah te bénisse. Pareil pour le troisième, on lui donna un mouton, et il lui dit qu'Allah te le bénisse. Et après cela, le premier homme eut bientôt une vallée remplie de chameaux, le second, de même, une vallée remplie de bœufs, et le troisième, une vallée remplie de moutons. D'accord? Donc c'est Allah Azza wa Jal qui a envoyé cet ange-là. Peu de temps après, comme le rapporte Muslim, ou comme il est rapporté dans Muslim, quelque temps après cela, l'ange reprenant la figure d'un lépreux, vint trouver le lépreux d'autrefois et lui dit, je suis un homme malheureux, j'ai perdu un voyage, toutes mes ressources, et aujourd'hui il ne me reste que de m'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite à toi, au nom de celui qui t'a donné un beau teint et une belle peau, ainsi qu'une grande fortune, je te demande de me donner ne serait-ce qu'un chameau qui me permettra d'achever mon voyage. Et qu'est-ce qu'a répondu ce lépreux-là? J'ai de nombreuses charges, je ne peux pas. Et ensuite, il répondit, ou répliqua l'ange, il me semble bien te reconnaître, n'étais-tu pas un lépreux d'aspect répugnant et sans ressources? Et Allah ne t'a-t-il pas donné tout ce que tu as? Par contre, tout ce bien, je l'ai hérité de mes ancêtres, a répondu le lépreux. Tout ça, je l'ai eu de moi-même. Comme certains disent, quand ils ont une richesse, ça, c'est moi qui ai eu cette richesse, et c'est moi qui a acquis cette richesse, et il ne sort jamais, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'a donné cette subsistance-là. Et ensuite, Si tu mens, répliqua l'ange, puisse Allah te faire redevenir comme tu étais. Puis prenant le visage d'un chauve, l'ange alla trouver le chauve d'autrefois et lui tint les mêmes propos et obtint de lui la même réponse. Si tu mens, riposta l'ange, puisse Allah te faire redevenir comme tu étais. Donc la deuxième personne a dit aussi, j'ai beaucoup de charges, je peux pas t'aider. D'accord? Et ensuite, l'ange poursuivit et alla voir l'aveugle. Et il lui demande ici, est-ce que tu peux me donner, yani, un mouton pour que je puisse achever mon voyage? Et je te demande un mouton afin que je puisse l'achever. Et ensuite répondit l'aveugle, j'étais aveugle, certes, répondit l'aveugle, et Allah m'a rendu la vue. Prends ce que tu voudras, car par Allah je ne contesterai rien du tout que tu prendras. Ou concernant ce que tu prendras, garde ton bien, répliqua l'ange, c'était seulement pour vous éprouver tous les trois. Allah est certes satisfait de toi, et Allah Azza wa Jal a certes maudit tes deux compagnons. Ça tout simplement pour prendre la morale que Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve par le mal et par le bien. Et quand Allah Azza wa Jal te donne un bienfait, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala en mettant ce bienfait à disposition des gens. En mettant à disposition, yani ce bienfait à disposition des gens, contrairement à ce que font beaucoup de gens malheureusement, quand ils ont de la richesse, ou quand ils ont la santé, ou quand ils ont un quelconque bien, yani ils deviennent avares et ils oublient les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux, et ils commencent à s'enfler d'orgueil et se prendre ou se croire supérieur à tout le monde. Et ça c'est une erreur grave, et faut pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend quand il veut et comme il veut. Donc ça c'était simplement une petite morale et une petite histoire que je voulais yani, citer rapidement. Donc ala kulli hal, on a vu yani, la fraternisation qui a eu lieu après la construction de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et on en a l'exemple avec l'histoire de Abdurrahman ibn Auf et Sa'd radiyallahu anhuma. Ensuite, il faut savoir, comme je vous avais dit la semaine dernière, je pense de façon brève, qu'il y avait plusieurs actes d'adoration qui ont été légiférés à Médine quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine. Parmi ces actes d'adoration et ces obligations, qui sont même parmi les piliers de l'islam, il y a az-zakat. Bien que ça ait été légiféré à la Mecque, lakin de façon détaillée, ça n'a été détaillé qu'à l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. C'est-à-dire, pour qui devait être sorti l'az-zakat, le taux à partir duquel on devait sortir az-zakat, c'est-à-dire an-nisab, etc., etc. Il y avait aussi, yani, le jeûne du mois du ramadan, il y avait aussi al-adhan, d'accord? Al-adhan, l'appel à la prière qui a été légiféré à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam quand il est rentré à Médine. Et ça, al-adhan, c'est une chose très importante parce que à partir du moment où le prophète alayhi salatu wassalam est rentré à Médine et que al-adhan a été légiféré à Médine, ici, Bilal a commencé à appeler haut et fort et ouvertement à accomplir la prière en groupe. Donc il a commencé à faire al-adhan, et c'est parmi les actes d'adoration, d'accord, les principes religieux que nous, on a les musulmans, d'accord, qui nous différencient des pays non musulmans. D'accord, c'est parmi les actes d'adoration qui se font ouvertement et qui différencient le pays musulman du pays non musulman. Et donc c'est qu'à l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et qu'après que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé, comme on avait expliqué, à mettre en place cette société musulmane, cet état islamique qui était solide, qui était ferme, qui était sincère, que c'est simplement à ce moment-là que al-adhan a été légiféré et qu'ils ont pu appeler à la prière. Et la preuve, je cite simplement un hadith rapporté par Muslim, car il y a plus de hadith, le hadith de Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu arda, à Abdullah ibn Zayd, donc c'est un hadith très connu, qui raconte que quand le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ordonna l'usage d'une cloche pour réunir les gens en vue de l'accomplissement de la prière, un homme m'apparut. Donc c'est Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu arda, qui rapporte dans Sahih Muslim. Il dit, un homme m'est apparu, c'est-à-dire Abdullah, radiyallahu anhu. Et il m'est apparu en rêve, porteur d'une cloche, et je lui dis, ô esclave d'Allah, vends-tu la cloche? Donc pendant son rêve, donc un homme est apparu avec une cloche et il lui dit, ô esclave d'Allah, vends-tu la cloche? Qu'en fais-tu? Ou qu'en feras-tu? Me dit-il. Nous l'utiliserons pour appeler les gens à la prière pendant son rêve. Ne veux-tu pas que je t'indique un meilleur moyen? Si tu dis, et ensuite l'ange a expliqué al-adhan à Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu arda, pendant son rêve. Il lui dit, cet ange-là, tu dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ensuite, il recula un peu avant d'ajouter, donc cet ange-là, pour annoncer l'imminence de l'entrée à la prière, tu dis. Donc, c'est-à-dire, al-iqama. Donc, il dit, tu dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad al-Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala al-falah, qad qamati salat, qad qamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc, il lui a expliqué comment faire al-iqama. Donc, c'est Abdullah ibn Zayd, dans Sahih Muslim. D'accord? À mon réveil, j'allais en informer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il dit, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, ce rêve exprime la vérité s'il plaît à Allah. Va avec Bilal et apprends-lui ce que tu as vu et qu'il utilise dans l'adhan, car sa voix est plus belle que la tienne. Je partis chez lui, c'est-à-dire avec Bilal, et je lui ai appris et il se mit à l'utiliser. Quand Omar ibn al-Khattab, qui se trouvait chez lui, entendait l'appel, il sortit traînant son vêtement en disant au nom de celui qui vous a envoyé ce message, porteur de vérité, ô messager d'Allah, j'avais vu ce qu'il a vu dans mon rêve. Omar ibn al-Khattab, il a dit, j'ai vu la même chose. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il lui dit, Allah soit loué, rapporté par Abu Daoud, Muslim et d'autres. Donc, ici, on voit que, d'après ce rêve-là, qu'a reçu Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu wa arda, à partir de ce moment-là, a été légiféré al-adhan comme il a été décrit dans ce rêve-là. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il ne peut légiférer, d'accord? Il ne peut légiférer une chose que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, D'après une révélation. Donc s'il a agréé ce rêve venant de Abdullah ibn Zayd, pourtant il ne vient pas du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que ceci a été fait par ou après révélation, après autorisation bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète lui-même ne légifère que ce qui a été légiféré par Allah azza wa jal, ou que par révélation. D'accord? Il ne légifère que par ou après révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, bien que le rêve a été révélé à Abdullah ibn Zayd, c'est des noms à retenir, d'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah ibn Zayd? Va l'apprendre à Bilal, car il a une plus belle voix que toi. Masha'Allah. Est-ce que Abdullah ibn Zayd, il a dit, comment ça? Le rêve, il est venu à moi, il y a une grande récompense, et moi je vais aller l'apprendre à Bilal, et moi je suis quoi dans l'affaire? Normal, adi, il l'a pris, il lui a appris, Bilal a fait l'adhan. Pourquoi? Parce qu'il a une plus belle voix que toi, tout simplement. Et ça nous rappelle que quoi? Ça nous rappelle qu'on devance les personnes qui sont les plus aptes à être devancées concernant, ici, les responsabilités religieuses, tout simplement. Ça s'arrête là. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Quand vous vous disputez dans quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Pareil pour le mu'adhin. Pareil pour l'imam, pareil pour ceux qui veulent détenir des responsabilités religieuses, on fait devancer les meilleurs. Car nous sommes là pour Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour nos plaisirs ou pour yani, nos passions ou pour satisfaire notre propre personne. Mais on est là pour satisfaire Allah azza wa jalla et faire avancer la communauté. Pour faire avancer la communauté. Donc si quelqu'un nous dit il y a meilleur que toi, laisse place. Laisse place, il n'y a pas de mal. Subhanallah, ça ne doit pas être ici une cause d'animosité envers nous. Comme disent les savants ici d'après ce hadith-là, normal, il n'y a pas eu yani, de réplique venant de Abdullah ibn Zayd. Il a pris Bilal, il lui a enseigné pourquoi Bilal avait une plus belle voix que lui, tout simplement. Et l'affaire s'arrête ici. Et on avance et on passe à autre chose. Voilà comment réagissaient les sahaba, car ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Donc on a dit la première chose que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en place, c'est quoi? Al-Masjid, la mosquée. Masha'Allah, qu'il a acheté avec de l'argent, bien que les orphelins voulaient la mettre à disposition de façon gracieuse. Il l'a acheté. Le prophète alayhi salatu wassalam a construit aussi la mosquée. D'accord, on a rapporté les paroles des compagnons. D'accord, donc il a construit la mosquée. Donc il a porté les briques, la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Donc c'est pas parce que tu es imam ou même savant ou je ne sais quoi, que tu vois que tu, où on t'appelle à participer à la construction d'une mosquée ou je ne sais quoi, ou à donner un coup de main, que tu vas dire je ne dois pas me salir, ou moi je suis, attention, hein, je savant, ou on va dire encore, partir dans un autre contexte, je suis directeur d'une entreprise, je ne sais pas quoi encore, donc ici tu dois aider. D'accord, le prophète, la meilleure des créatures, il l'a fait. Et après avoir mis en place cette mosquée-là, qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam? La fraternisation. Ça ne sert à rien d'avoir des grandes mosquées alors qu'il y a de l'animosité dans les mosquées, wal'iyadu billah. Ça ne sert à rien. Le but principal de la mosquée, c'est de quoi? De réunir les musulmans. C'est pour ça qu'il y a des heures bien prescrites pour la prière. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, la prière a été pour les croyants à des heures bien prescrites, pour qu'à ces heures bien prescrites on ait un rendez-vous commun avec Allah subhanahu wa ta'ala. Warka'u ma'a ar-raki'in, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, pour réunir les musulmans non seulement dans la même mosquée mais dans les mêmes rangs et de façon alignée et côte à côte, et tout le monde collé, d'accord, on colle ses pieds et on se serre comme à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, et c'est ce qui relève de la sunna. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wasalam a mis cette fraternisation parce qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran, wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, ne vous disputez pas sinon vous allez perdre vos forces et vous allez fléchir, patientez, Allah est avec les patients, d'accord. Donc il a ici mis en place une communauté solide, unie, sincère. Donc il a mis en place cette fraternisation jusqu'à ce que quoi, on avait dit al-muhajirun, donc c'est-à-dire les immigrés hérités, regardez, jusqu'à l'héritage hérité des quoi, des ansar, après leur mort, après ceci a été abrogé bien sûr et a été aboli. Donc ici au début ils héritaient, donc regardez le degré de fraternisation qu'il y avait, ils partageaient leurs biens en deux jusqu'à ce que Abdurrahman ibn Auf, on l'a vu dans le récit rapporté par le Bukhari, donc ici il y a eu la proposition yani de lui de donner une de ses deux épouses, subhanallah, et à un stade où il pouvait même hériter. Donc il y a eu cette fraternisation, c'était des frères, donc là on pouvait faire un travail. On pouvait faire un travail, la société musulmane commençait à se mettre en place. Le prophète il brûlait pas les étapes. Le prophète c'était quelqu'un de très stratégique. C'était un commandant, c'était un guerrier, soit. Et c'était un guerrier le prophète ou pas? C'était un guerrier. Mais avant tout c'était un prophète. Et c'était un messager. Car je me souviens il y a quelque temps, je parlais avec des témoins de Jéhovah. Et quand il parle du prophète alayhi salatu wasalam, vous savez ce qu'il me disait? Il me disait, oui mais on a lu quelques brochures sur le prophète, bon c'est vrai, hein. Bon je leur disais, est-ce qu'il croyait au prophète alayhi salatu wasalam? Il me disait, non mais bon, c'est vrai, bon, on croit en lui, mais on ne croit pas en lui en tant que, yani comme étant prophète. Mais en lisant les brochures, on voit que c'était quand même un guerrier. Regardez, bien sûr c'était un guerrier, mais il disait c'était un guerrier. Donc moi je lui ai répondu en disant, bien sûr une personne pouvait être directeur d'une entreprise tout en étant père de famille, à titre d'exemple, parce qu'il faut se mettre et aller au niveau, comme on a vu dans le fiqh, par rapport aux lois concernant fiqh ou da'wah, il faut se mettre au niveau de la personne que tu es en face de toi. Je dis, est-ce que vous pouvez être père de famille et en même temps directeur d'entreprise? Oui. Donc voilà, il n'y a aucune contradiction quant au fait que le prophète était un prophète et messager, aussi en même temps un guerrier. Il était un père de famille, d'accord? Il était un être humain, donc c'est pour ça qu'on ne l'adore pas. À la kulli hal, le prophète était un guerrier. Mais écoutez bien et regardez, suivez bien la biographie du prophète. On ne comprendra pas vraiment. Et comme il se doit, ici, le but pour lequel a été mis en place le combat par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, tant qu'on n'a pas étudié la biographie du prophète alayhi salatu wasalam et compris comme il se doit. Le prophète alayhi salatu wasalam était un guerrier. Mais est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam a cherché à faire la guerre? Le prophète alayhi salatu wasalam, avant tout, pendant des années, il a été persécuté à Mecca, afwan. Il a patienté. Il n'a fait que patienter. Les compagnons étaient persécutés à la Mecque ou pas pendant des années? Ils n'ont fait que patienter. Le prophète alayhi salatu wasalam, on a voulu même le tuer à la Mecque. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a répondu? Il a patienté. Les compagnons, quand ils ont émigré de la Mecque à Médine, ils ont laissé qui derrière eux? Leur famille, leur bien, leur épouse, leur enfant. Est-ce qu'ils ont riposté par la guerre, par le sang, par l'épée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont patienté. Le prophète alayhi salatu wasalam est arrivé à Médine. Il est arrivé à Médine. Est-ce que le prophète alayhi salam a dit, c'est bon, maintenant on a une équipe, on attaque? Qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salam? Regardez un peu, regardez la sagesse du prophète alayhi salatu wasalam. Et la sagesse, la hikma, c'est quoi? Wad'u shay ala al-wajh alladhi yanbaghi fi al-waqt alladhi yanbaghi kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. C'est le fait de faire ce qu'il faut au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. Le prophète alayhi salam, il a toujours patienté pendant les deux premières années. Là, je vous rappelle que l'année où a été édifiée ou construite la mosquée du prophète alayhi salam, on est dans la première année de l'Hégire. On est d'accord? On est dans la première année de l'Hégire. Il s'est passé certaines situations pendant les deux années après l'Hégire. D'accord? La première année de l'Hégire, la deuxième année de l'Hégire, avant d'arriver à cette grande bataille qui est la bataille de Badr. Donc après, inshallah ta'ala, peut-être le cours prochain, on va rentrer et voyager avec cette grande bataille qui est une magnifique bataille, la bataille de Badr. Le prophète, quand il est arrivé à Médine, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas été persécutés moralement? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu attaquer le prophète alayhi salatu wasalam? Bien sûr que si, vous allez voir. Et est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam a été, alhamdulillah, a pu dormir tranquillement pendant la première et deuxième année de Médine, pendant qu'il était à Médine? Abadan. Et pourtant, est-ce que le prophète s'est acharné directement? Il a dit, bon, c'est la guerre, on a un petit groupe, on a un pays, on a une mosquée, on a plutôt une ville, on a construit, on a mis en place notre société, donc maintenant on attaque. Abadan, qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Donc il a balayé autour de lui d'abord. Il s'est occupé, yani, de son entourage. Ça y est, la mosquée est là. Les musulmans sont réunis. Ils apprennent la science. D'accord? Donc ils ont le meilleur éducateur et professeur avec eux, le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a eu la fraternisation. C'est bon, il y a l'ukhuwa, alhamdoulilah. Ils l'ont prouvé par l'action. Ils l'ont prouvé, bien sûr. Ils ont partagé leur bien en deux. Masha'Allah. Mais il reste qui maintenant? Il reste les juifs à Médine. Il y avait beaucoup de juifs à Médine. Donc maintenant, il fallait s'occuper de ces personnes qui vivent à Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc celui qui était un guerrier, comme eux, ils le comprennent. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, bon, maintenant il y a les juifs? Du vent. Pourtant, il aurait pu. Bon, maintenant vous sortez. Alors qu'on sait qu'à la base des dissensions qu'il y avait entre Al-Khazraj et Al-Aous, les tribus qui étaient à Médine, à la base de ces dissensions et de ces querelles qui ont été la cause de nombreux morts, il y avait Al-Yahoud, les juifs, car ils voulaient le monopole de l'économie, divisé pour mieux régner, déjà à leur époque. C'était une des principales causes pour laquelle ils créaient la dissension entre eux. Est-ce que le prophète, il a dit, bon, on est là maintenant, on les chasse? Ça y est, on signe des pactes avec eux. On met plutôt en place des pactes avec eux. D'accord? Et on sait très bien qu'en islam, à l'unanimité des savants, à partir du moment où tu signes un pacte, entre guillemets, de sécurité avec même un non-musulman, et qu'il est dans ton pays, et qu'il est sous ta sécurité, et il a accepté ces conditions-là, tu n'as pas droit de le toucher. Tu n'as pas droit de le toucher. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui tue un non-musulman qui est sous un pacte de sécurité avec les musulmans, je me désavoue de celui qui l'a tué, c'est-à-dire le musulman, même si celui qui est tué est un kafir, non musulman. Donc regardez la justice. Est-ce qu'on en parle de ces récits prophétiques? Est-ce qu'on rappelle ici à ceux qui disent que l'islam s'est propagé avec l'épée de façon injuste, wal'iyadu billah? Est-ce qu'on rappelle toutes ces étapes? Déjà, est-ce que les musulmans les connaissent, ces étapes-là? Donc on voit qu'il y a eu des étapes et que le prophète alayhi salam les a pas chassés. Donc la preuve que quoi? L'islam a permis aux juifs de vivre dans la même ville avec les musulmans. Donc ils vivaient en tranquillité. Mais par contre, il y a des conditions. Il y a des conditions. Donc ils respectaient leurs croyances. D'accord? Tout en sachant qu'ils ne cessaient de mettre en garde ouvertement contre al-shirk. Et qu'ils appelaient les gens et l'ensemble des gens à quoi? Al-tawhid. Ça c'est clair, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin il y avait une entente. Il y avait des conditions qui devaient être respectées. Mais comme on le sait tous, d'après l'histoire, on sait que d'après l'histoire, les juifs, malheureusement, ils ne respectent que très peu les pactes. D'accord? Et donc, il y avait une bonne entente. Donc le prophète, alayhi salam, on voit qu'il s'est occupé même des non-musulmans. Donc voilà, regardez comment on met en place une société costaud. Une société qui va pas trembler après la moindre épreuve ou la moindre secousse. Donc c'était une société très ferme, qui était bâtie sur le Coran et la Sunna, et où il y avait une grande fraternisation. Donc, ceci va à l'encontre, de ce qu'essayent de faire, les non-musulmans, depuis des années et des années, c'est-à-dire de diviser entre la communauté, entre les musulmans. D'accord? Donc, ceci va à l'encontre de leur pratique et de leur théorie. Donc, ce qui a fait qu'ils étaient très costauds et très solides. Et ils avaient confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, il y a eu plusieurs événements. Et on va arriver au combat. Donc, regardez déjà, simplement pour vous donner un peu une notion, après toutes ces étapes, le prophète Aïssan n'a toujours pas encore déclaré la guerre, n'a toujours pas encore lancé le combat, n'a toujours pas encore lancé d'attaque contre eux. Regardez la patience qu'il a eu le prophète Aïssan. Après on dit, oui mais le prophète, lui sa vie on voit que des guerres. Mais des guerres, mais après quoi? Après quel moment? Après quel degré de patience et d'endurance? Et à partir de quel moment le prophète Aïssan a lancé le combat? Donc il faut savoir ça d'abord. Donc parmi les événements, et on va revenir au combat, parmi les événements qu'il y a eu, il y a eu la consommation du mariage avec Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Donc, pendant ces deux années-là, parmi les événements à retenir aussi, il y a eu la consommation du mariage avec Aïcha. On sait que le prophète alayhi salam s'est marié à l'âge de 6 ans avec Aïcha. Et il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. Et après la mort de Khadija, il s'est remarié avec, bien sûr, avant Aïcha, Saouda. D'accord? Il s'est marié avec Saouda avant Aïcha. Et ceci donc il s'est marié ensuite après avec Aïcha environ 3 ans avant l'immigration. D'accord, quand elle avait 6 ans, et bien sûr, il a consommé le mariage. Donc pendant, c'est parmi les événements qu'il faut retenir pendant ces 2 années, donc à partir de l'Égypte. D'accord, on est toujours dans les 2 années de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc on avait parlé du combat. La législation du combat. Il y a eu la législation du combat. Donc ça a été légiféré par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah azza wa jal a légiféré le combat. À ce moment-là. Donc, il faut savoir qu'Allah azza wa jal a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam comme miséricorde pour l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé que comme miséricorde ou comme miséricorde pour l'humanité entière. Musulmans, non musulmans. Pour l'humanité entière. Pour appeler au tawhid. Pour mettre en garde contre eux, al-shirk. Il a été persécuté. Ils l'ont chassé de sa demeure. Ils ont persécuté al-sahaba. Ils ont torturé des compagnons. Ils sont arrivés à Médine. Et année jusqu'à ce qu'ils ont tellement été persécutés que le prophète leur avait donné, comme on avait parlé précédemment, aux compagnons de faire l'immigration de la Mecque à, en Abyssinie, Ardul Habasha, avant de faire cette grande immigration-là. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Pendant des années de persécution, le combat n'était toujours pas légiféré. Patience. Voilà la patience. Sunnatullah, hikmatullah azza wa jal. Décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une des sagesses d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous éprouver. Et il y a des moments où on ne doit pas répondre au mal par le mal. C'est-à-dire, le combat, il peut être un mal comme ça peut être un bien. Ça dépend comment toi, tu l'as compris. Et à quel moment, tu veux engager ce combat-là. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam n'a fait que répondre avec sagesse. Qu'avec sagesse. Mais il y a un moment où il y a des limites. D'accord? Il y a un moment où il y a des limites à ne pas dépasser. D'accord? Pour toute personne, musulmane, non musulmane. D'accord? C'est même une personne qui, ou par exemple, on prend un titre d'exemple, si on prend la personne en elle-même, dans un pays non musulman, qui se fait agresser, et qui se défend, et en se défendant, il tue la personne. On va appeler ça comment? Légitime défense. Ça c'est clair. Donc il y a des limites à ne pas dépasser, c'est clair. Et là, les limites ont été dépassées. Les limites ont été dépassées. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait da'wah, après avoir été persécuté, après avoir fait l'hijra, après avoir trouvé cet endroit-là qui est Médine, et plutôt où a été à cet endroit qui est à Médine, et où il a construit la mosquée, etc., où il a mis la fraternisation entre les musulmans, où il s'est préparé avec les musulmans, concernant l'apprentissage de la religion, etc., etc. Donc Allah azza wa jal a légiféré le combat pour la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et pourquoi il a légiféré le combat, Allah Azza wa Jal? Parmi les raisons, c'était que le prophète était persécuté. C'est qu'ils étaient en danger. Est-ce que là, ça suffit comme argument pour dire que le combat était légiféré? Avec tout ce qu'ils ont vécu jusque-là. Ça suffit ou pas? À votre avis? Pourquoi? Au moment présent, on est à Médine, Ils sont à Médine. Est-ce que là, maintenant, ça suffit pour dire, bon, ça, le combat est légiféré, là. Pourquoi? C'est? Non, mais pour les éprouver, bien sûr. Mais au moment à Médine, maintenant, ils sont arrivés à Médine. Donc, pour un combat, il faut une cause, quand même. Nous, on n'est pas dans l'injustice. Les musulmans ne sont pas dans l'injustice pour dire, nous, on combat. Donc, le prophète, alayhi salam, il n'a pas combattu alors qu'il était persécuté. Maintenant, il est à Médine. Et on va dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est plus persécuté. Est-ce que c'est légitime? Ou est-ce que c'est compréhensible que le combat soit légiféré à ce moment-là? Si le prophète n'était plus persécuté? Brièvement, Aziz. Non, pas encore. On n'est pas là encore. Le combat a été légiféré. Attention, pas encore. Regardez toutes les persécutions. À partir du moment où une lettre a été envoyée de la part de Quraysh à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, et aux autres associateurs qui étaient à Médine, où dans cette lettre il est écrit que si il continuait à prêter main forte au prophète alayhi salatu wassalam et à soutenir le prophète alayhi salatu wassalam, ils allaient venir et les exterminer tous et s'occuper de leur épouse aussi. Donc à ce moment-là, ça y est. Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui sera parmi les plus grands hypocrites, comme vous le verrez par la suite. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ainsi que les personnes qui ont reçu ce message-là, c'est-à-dire les associateurs, qui étaient à Médine, car il y avait des associateurs, il y avait des hypocrites, il y avait des non-musulmans, c'est clair? Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont voulu Donc aller exterminer, tuer le prophète alayhi salam. Donc ils ont donné l'ordre des Quraysh de Mecca de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon maintenant on va exterminer le prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas le choix. Le prophète alayhi salatu wassalam a appris cela. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam a appris cela, il est parti à l'encontre de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et il lui a dit, écoute bien, si tu veux nous attaquer, si tu veux livrer le combat, tu ne vas tuer que qui? Que tes frères et tes enfants. Tu ne vas tuer que tes frères et tes enfants. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam encore, il a dit, d'accord, il veut la guerre, on va faire la guerre. Donc on va voir par la suite que le prophète aurait pu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait pas peur. Quand on voit que le prophète alayhi salatu wassalam patientait, il ne faut pas confondre patience, sagesse avec faiblesse, abadan. Et beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui confondent ça. Sagesse et patience avec faiblesse, abadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un homme fort. As-sahaba qui était avec lui, c'était des hommes forts. Umar ibn al-Khattab était entré dans l'islam. Hamza ibn Abi Talib était entré dans l'islam. Des hommes étaient avec lui. Abu Bakr radiallahu anhu était avec lui. Vous croyez qu'ils avaient peur? Vous croyez qu'ils avaient peur? Abadan. Mais il ne faut pas confondre faiblesse avec hikma, gentillesse et sagesse. Donc le prophète alayhi salam a raisonné Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul s'est rétracté et il a arrêté. Mais ils ont encore envoyé une autre lettre. Ils ont encore envoyé une autre lettre, encore en menaçant, en me faisant une menace directe comme quoi ils allaient les attaquer. Ça y est, on va vous attaquer, on va vous exterminer. Ils ne pouvaient pas supporter le fait que le prophète alayhi salatu wassalam était en train de mettre en place cette société islamique à Médine. Et ça nous rappelle encore une fois que quand les gens en ont après quelquefois les musulmans, souvent c'est pas après les musulmans en tant que personne, mais c'est après l'islam. Pourquoi ils ne les laissent pas tranquilles? Pourtant ça, ils ont fait l'hijra, ils sont à Médine, à 500-600 km de la Mecque. Donc ils sont partis. Ils n'ont pas répondu avec les armes. Ils n'ont fait que patienter. Et à côté de ça, ils veulent encore leur faire la guerre. Ils veulent encore leur faire la guerre. Pourtant, ils ont quoi? Ils ont la Mecque. Ils ont la plaque tournante économique. D'accord? Parce que la Mecque, c'était une plaque tournante économique. D'accord? De nombreux commerçants passaient par la Mecque. Mais malgré ça, ils voulaient encore déclarer la guerre ici au prophète alayhi salatu wassalam. Et un jour, rapporté par l'imam al-Bukhari, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu wa arda, était invité par Umayya ibn Khalaf à la Mecque. Et Sa'd ibn Mu'adh, il était avec le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Il a été ici pour faire l'Umra à la Mecque. Et quand il a fait l'Umra, il est tombé sur Abu Jahl. Abu Jahl qui l'a menacé lui ainsi que les compagnons. Mais c'est simplement, yani, sous prétexte qu'il était invité par, yani, Umayya ibn Khalaf, qu'il n'a pas voulu ici, yani, lui faire du mal ou l'attaquer directement, Sa'd ibn Mu'adh. Ça prouvait encore que Quraysh de Mecca, ils avaient entre guillemets la haine et la rage contre qui? Contre les habitants de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons. Et le récit que je vous ai raconté concernant Ubay ibn Ka'b, yani Abdullah ibn Ubay Afwan ibn Saloul, c'était dans Sunan Abi Daoud. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, ils se sont réunis aussi, hein. D'accord? Donc les Quraysh, pour trouver des solutions pour pouvoir tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont voulu attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont voulu attaquer Médine, rentrer dans Médine, etc. Donc après la deuxième lettre qui a été envoyée. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam, après la deuxième lettre, est resté sur ses gardes jusqu'à ce qu'il ne dormait plus. Le prophète ne dormait plus. Donc la nuit, le prophète alayhi salatu wassalam craignait bien sûr d'une attaque imminente et craignait aussi pour sa personne. D'accord? Donc on voit que le prophète n'était pas tranquille à Médine. Et regardez encore, c'est pour ça que je vous dis le combat a été légiféré, mais à quel moment? Donc c'est pour ça que je vous répète et je vous cite les étapes pour vous montrer que vraiment c'était compréhensible. D'accord? Que le combat, ou c'est compréhensible que le combat a été légiféré. Et que nous, l'islam, on n'est pas une religion qui transmettons la religion par l'épée ou par le sang. Abadan, il y a des étapes, mais il y a des limites à ne pas dépasser, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, le prophète alayhi salam ne dormait plus. Regardez, il était persécuté, il n'était pas dans le rahadan, yani, la tranquillité totale et dans le repos total à Médine. Jusqu'à ce qu'il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, selon Aïcha radiallahu anhu wa ardaha, qui raconte, une fois il veilla toute la nuit. Le prophète alayhi salam, il veilla toute la nuit. Il ne voulait pas dormir toute la nuit. Et le prophète alayhi salam a dit, si seulement un homme parmi mes compagnons pouvait veiller sur moi cette nuit-là. Pourquoi? Parce que le prophète était très fatigué. Il ne dormait plus. C'est un être humain. Ça nous rappelle que c'est un être humain, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, si seulement un de mes compagnons pouvait venir et veiller sur moi cette nuit-là. Et Aïcha, elle raconte dans le hadith rapporté par Sahihain, dans Sahihain, elle dit, suite à ces paroles, on a entendu le bruit des armes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, qui vient là? Ou qui est là? Et ensuite, il y a un compagnon qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu arda, qui a dit, c'est moi, ya Rasulallah. C'est moi, ô messager d'Allah. Il dit, pourquoi tu es venu? Il dit, j'ai ressenti de la peur pour toi et je suis venu veiller sur toi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a pu aller se reposer. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, il a voulu protéger le prophète, alayhi salatu wassalam, via, par la cause, car c'est Allah qui protège, de ce compagnon-là. D'accord? Mais regardez, après les compagnons se relayaient l'un après l'autre. Pourquoi? Pour veiller sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le vrai amour. D'accord? C'est pas une heure, six heures, sept heures, toute la nuit. Toute la nuit, tu restes sur tes gardes. Mais c'est pas tu restes un peu en train de somnoler. Hein? C'est sur tes gardes. C'est-à-dire que tu es prêt à te battre s'il y a quelqu'un qui arrive. Avec la crainte et avec l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, d'accord? Qui te pousse à rester éveillé, il faut le faire. D'accord? Il faut le faire. Donc, ici, plusieurs se sont relayés jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset coranique. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Et Allah azza wa jal te protège, avec une traduction approximative, te protège des gens. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, infir, vous pouvez partir. Vous pouvez partir, je suis protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam dormait tranquille. Car Allah azza wa jal a révélé, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah te protégera contre les gens. C'est-à-dire, il te préservera contre eux, contre leurs méfaits. Et ensuite, ils ont pu partir. Mais à ce moment-là, donc ça y est, l'attaque était imminente, et le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « Udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu. » Regardez. Et comme il dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abih, c'est le premier verset qui est descendu concernant « al-qital », le combat. Allah, azza wa jalla, dit « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont opprimés ou ils sont lésés. » Regardez, à quel moment Allah Azza wa Jal leur a permis le combat. D'accord? Le combat pour se défendre. Regardez, c'est même pas pour attaquer. C'est même pas pour attaquer. Et ça, c'est des points essentiels à retenir dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, c'est pas pour attaquer directement, mais c'est pour se défendre. Il y a une différence. C'est pour ça qu'il y a une différence dans, yani, entre al-jihad, al-daf', c'est-à-dire le fait de faire un combat, un jihad, yani pour repousser l'ennemi, et un jihad qui est al-talab, c'est-à-dire d'une demande, c'est-à-dire tu demandes, tu vas à l'attaque directement sans que ça soit une défense. D'accord? Dans la jurisprudence, c'est un sujet. Le jihad, c'est un sujet. Donc il y a une différence. Le fait d'attaquer sans qu'on t'attaque, d'accord, et ça, ça a des conditions, etc. Et le fait d'attaquer ou de combattre parce que tu dois te défendre. Et donc, ici, on voit que c'était simplement pour se défendre. Allah Azza wa Jal, il dit, Udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihi laqadir. Alladhina ukhriju min diyarihim bi ghayri haqqa illa an yaqulu rabbuna Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il explique. Et ça, c'est un message aux musulmans et aux non-musulmans. Quand a été légiféré le combat? Ceux qui disent que voilà, quand tu lis le Coran, tu entends que le combat, couper les têtes, etc. Quand ça a été légiféré? À quel moment? Et nous, dans le combat, il y a des règles. Tu ne dois pas couper les arbres, tu ne dois pas tuer les femmes, tu ne dois pas tuer les enfants, tu dois être juste, tu n'as pas droit de transgresser. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs. Il y a des conditions. Des conditions qui montrent la moralité du musulman. Et la justice, et la parfaite intégrité du musulman. Et ça, on le retrouve simplement dans l'islam. Mais simplement, nous, on ne sait pas comment expliquer cette religion aux non-musulmans. Et les non-musulmans, malheureusement, ils ont une mauvaise image de l'islam. D'accord? Certes, le combat a eu lieu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça n'a pas fait de lui un guerrier acharné, injuste. Abadan, il se défendait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il se défendait. D'accord? Et le prophète était un homme fort, courageux et qui n'avait peur de rien, si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il patientait, c'était parce qu'il était ordonné ou il était ordonné de patienter. Et ça montre la sagesse et la clémence et la miséricorde et la compassion du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal donc, il leur a dit, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir, ceux qui ont été expulsés de leur demeure. Donc Allah Azza wa Jalla rappelle les raisons. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Rabbun Allah, notre Seigneur est Allah, sourate al-Hajj, verset 39. Parce qu'ils disaient notre Seigneur est Allah. Regardez pourquoi ils ont été chassés de leur maison. Donc on comprend mieux le Coran al-Karim maintenant. Quand on lit ce verset coranique, pourquoi ils ont été chassés? Parce qu'ils disaient Rabbun Allah, notre Seigneur est Allah. Ils ont été expulsés de leur demeure. Ils ont été opprimés. Autorisation à eux deux est donnée à eux deux de se défendre. À ce moment-là, simplement, tu as droit de te défendre. Donc il faut savoir que le combat, ce n'est pas une chose que tu entreprends comme tu veux et comme tes passions le veulent. D'accord? Ça a des règles bien prescrites. Et c'est un sujet de jurisprudence. Et il faut faire très attention, yani, quant à avoir, yani, ou concernant le fait d'avoir une mauvaise compréhension concernant al-qital, le combat, ou bien al-jihad. D'accord? Le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit ici qu'ils ont eu cette autorisation. Ils ont eu cette autorisation. Et ici, Ibn Abbas a dit, lorsque le prophète fut expulsé par Quraysh, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fut expulsé par Quraysh, il dit, ils ont expulsé le prophète alayhi salatu wassalam, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla a révélé le verset coranique qu'on a cité. Et Abu Bakr a dit, j'ai su à ce moment-là qu'il allait avoir un combat. Pourquoi il dit ça? Parce qu'Abu Bakr, quand il a vu la révélation de ce verset coranique, il s'est dit, j'ai su qu'il allait avoir un combat. D'accord? Parce que le verset était clair. Et que l'autorisation commençait à être donnée ou a été donnée aux compagnons de se défendre. Donc ça y est, le combat allait commencer. Et ce n'était pas simplement un seul combat qui allait commencer, pas une seule expédition, mais de nombreuses et nombreuses et nombreuses expéditions et guerres qui vont être yani, entreprises par le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Et l'ordre de combattre yani, a été donné concernant ceux qui combattent les musulmans. D'accord ? وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah Azza wa Jalla a révélé le verset coranique. Et وقاتلوا في سبيل الله, et combattez في سبيل الله, pour Allah, c'est pas pour la terre, c'est pas pour la gloire, pour dire je suis un homme fort, c'est pas pour avoir des biens, pour avoir de l'argent. في سبيل الله, pour Allah subhanahu wa ta'ala. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Ceux qui vous combattent, ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. إن الله لا يحب المعتدين, car Allah n'aime pas les transgresseurs. On voit encore la justice. Après la permission de se défendre, donc la deuxième étape, le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé des expéditions. Regardez la technique du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il n'a pas dit, bon c'est bon, l'autorisation est donnée de se combattre, de combattre plutôt, donc c'est pour se défendre. C'est bon, on attaque, on prend les armes et on y va. Non, abadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était un chef de guerre. C'était une personne intelligente. Et derrière, toute responsable religieuse, toute gérance religieuse, il faut qu'il y ait à la tête les meilleurs hommes et les meilleures personnes. D'accord? Si petites soient-elles ces gérances. Car ça, c'est quoi? C'est des comptes que tu rendras auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et le but de chaque musulman doit être quoi? Faire triompher la religion de l'islam. Avec le comportement, la sagesse, le bon comportement, etc., la science. Lakin, pour arriver à ce but-là, dans chaque responsabilité, ou chaque association, par exemple, musulmane, ou chaque gérance musulmane, ne serait-ce que dans une mosquée, ou dans une ville, dans un pays, il faut qu'à la tête, il y ait les meilleurs. Il faut qu'il y ait les meilleurs, c'est clair. À la tête, il y avait qui? Le meilleur des êtres humains, le prophète alayhi salatu wassalam. Lui, le prophète, il a mis en place des expéditions, des groupes. À la tête des groupes, il a mis qui par hasard? Il a mis les meilleurs. Il a mis les meilleurs des compagnons dans ses expéditions. D'accord? Il y a ce qu'on appelle al-ghazawat. Al-ghazawat, d'accord? Et al-saraya. C'est deux choses différentes. C'est quoi la différence entre le Ghazawat et le Saraya? C'est des expéditions les deux, si on veut. Là, qu'ils retenaient, comme disent les gens de science, ils disent que le Ghazawat, c'est des expéditions qui ont été entreprises en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Tandis que le Saraya, c'est, comme on retrouve souvent dans les livres de biographie du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, ces deux termes-là, c'est toute expédition qui a été entreprise sans la présence du prophète alayhi salatu wassalam. Sans la présence du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc les expéditions, quand le prophète alayhi salatu wassalam était présent, donc on les appelle, yani ghazwa, d'accord, une expédition, d'accord, militaire si on veut, ou bien ghazawat. Et les savants disent, même s'il n'y a pas eu combat, mais il y a eu une expédition, et le prophète était présent, on appelle ça une ghazwa. D'accord? Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a mis en place pendant la deuxième année de l'Hégire plusieurs expéditions. Plusieurs expéditions. D'accord, il a mis à leur tête, il y a certaines où il a participé, la majorité il n'a pas participé. Il a mis à leur tête des compagnons comme Hamza radiyallahu anhu arda et d'autres compagnons. Yani, je ne rentre pas dans les détails concernant les expéditions, il y a eu plusieurs expéditions. Le but était quoi? D'accord, pour attaquer, pour affaiblir les Quraysh. D'accord, regardez la stratégie qu'il a utilisée le prophète alayhi salatu wassalam. Il a mis plusieurs groupes de combattants, ça y est maintenant, toi tu t'occupes de ça, toi de ça, toi de ça, toi de ça, tel groupe. Fils abilillah, chacun partait au combat. C'était dans quelle intention? La première des choses, comme le dit, par exemple, ceci est relaté dans un livre, un excellent livre de Cheikh Abdel Wahid, Hafidhahullah Ta'ala, qui est Subul Salam in Sahih Sirati Khair al-Anam, vous pouvez retrouver ce livre-là en arabe. Il cite ces étapes-là, ou ces causes-là. Ces raisons-là pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé ses expéditions. Il dit première chose, il voulait prendre le contrôle sur les biens des Quraysh pour les affaiblir. Regardez l'intention du prophète alayhi salam. La première des choses, prendre les biens de Quraysh. Pourquoi? Pour les affaiblir. C'est sûr que quand t'as pas d'armes, quand t'as pas d'argent, tu t'affaiblis. D'accord? Tu vas pas aller te battre avec des hélicoptères contre des hélicoptères avec des pierres. Faut des armes. Donc regardez d'abord l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc il dit, on va les affaiblir. On prend leurs biens. On prend leurs biens. C'est pas pour avoir des biens et pour se dire, non, pour les affaiblir. D'accord? Et de plus, les biens qu'avait Quraysh, parmi les biens qu'avait Quraysh, ça appartenait à qui? Ça appartenait à eux. Regardez, subhanallah. Ça appartenait à eux, ça les appartenait, car ils avaient volé leurs biens, leur commerce, etc. Donc, pour renforcer aussi les musulmans par leurs biens. Donc, ils prenaient le butin, d'accord? Ils prenaient les biens. Donc, non seulement on va les affaiblir, mais nous, on va se fortifier. On va se renforcer. D'accord? Deuxième des choses, couper les chemins vers Shem pour le commerce. Le commerce. D'accord? Car le commerce, c'est ce qui rapporte de l'argent. Donc il s'est dit, on va envoyer des expéditions, il y en a dans le chemin qui donne vers Shem, de Mecca vers Shem, parce que c'était un chemin qu'ils utilisaient pour le commerce. Donc on va couper ici ce chemin-là pour les couper du commerce, donc encore les affaiblir. D'accord, on sait très bien que en coupant, il y en a un chemin qu'on utilise pour faire du commerce, obligatoirement, d'accord, il va avoir une perte financière. Certains posent la question au jour d'aujourd'hui quant au boycott. Quand certains disent, est-ce qu'on peut boycotter? On a envie de boycotter des produits? Non, c'est bid'a. Certains disent, c'est pas bon. Moi, je prends la fatwa de Cheikh Rashhi, rahimahullah, hafidhahullah ta'ala. Ceux qui disent, non, ça n'existe pas. Cheikh Rashhi, il dit et il recommande de boycotter. Cheikh Rashhi, ceux qui disent, mais non, ça c'est une innovation. Cheikh Rashhi, hafidhahullah ta'ala, et je lui donne l'audio en arabe si vous voulez, la fatwa en arabe et en français. Il conseille de boycotter, selon ses capacités. D'accord? À partir du moment où on sait que ça va avoir une influence, d'accord, concernant l'économie d'un pays, par exemple, qui cause du tort aux musulmans. Donc, par exemple, on pense à nos frères palestiniens, bien sûr, en Palestine. Donc, à ce moment-là, bien sûr, celui qui peut le faire, qui peut boycotter, il boycotte. Et moi, je dis que c'est quelque chose de bien aussi. Parce que quand on voit le boycottage, subhanallah, on voit qu'il y a un certain combat envers son nefs. D'accord, c'est pas simplement le fait de boycotter. Regardez tous les bienfaits qu'on a autour de nous. D'accord, tous les bienfaits qu'on a autour de nous. Celui qui veut manger, il va au centre commercial, il achète ce qu'il veut, il mange. D'accord? C'est vrai ou pas? Mais avec tout le choix qu'on a, ce qui nous fait le plus de mal à délaisser, c'est les choses que, si on veut boycotter, on doit boycotter. Coca-Cola, mashallah, et j'en passe. D'accord? On voit que c'est des choses moi je dis que c'est quelque chose de bien. Et je parle pour moi le premier, hein. D'accord? Après, se dire on va boycotter tous les produits, je ne sais quoi, qui viennent du Canada, qui viennent d'Israël, non, ça, on n'en finira pas. D'accord, on ne va pas faire des recherches. Mais bon, il y a certains produits qui sont plus connus que d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'on dit qu'on doit déclarer la guerre à la France, qu'on doit déclarer la guerre je ne sais où encore. Abadan, nous, on est contre ça. Ça c'est clair et je le dis clairement. Toute personne qui vit dans un pays où il a la sécurité de cet État-là, ou bien un non-musulman qui vit dans un pays musulman, d'accord, un non-musulman, ne serait, ou que ce soit un juif ou un chrétien, qui vit dans un pays musulman et qui a ce pacte de sécurité ou de confiance donné par l'État islamique, il a la sécurité, personne ne doit le combattre. Et il est sous la sécurité, d'accord, des musulmans. Et certains savants ont dit au jour d'aujourd'hui, c'est quoi qu'il fait rentrer dans ce pacte de confiance? C'est le visa. À partir du moment où l'État accepte de donner un visa à un non-musulman dans le pays, il est rentré, sous un pacte de confiance avec cet État-là. Donc on est là, on doit avoir une bonne entente avec lui, etc. Mais bien sûr, nous soutenons nos frères qui sont en Palestine, ça c'est clair. Même les non-musulmans les soutiennent. Qui va pas les soutenir, nos frères en Palestine? Alors qu'ils sont opprimés, ils sont agressés, quelquefois des femmes, des enfants. Nous on est contre le fait de quoi? Tuer des femmes et des enfants. Ça c'est contraire à quoi? À la jurisprudence qui est établie dans les livres de jurisprudence concernant le djihad, le combat. Donc comment nous on va accepter que nos femmes et nos enfants se fassent tuer? Ça c'est clair, wardeh. Même les non-musulmans ils font des associations, SOS Palestine, etc. Donc comment nous musulmans on va être contre ces principes-là. Lakin, il y a un équilibre, il y a un juste milieu. D'accord? Donc concernant le boycottage, ça il faut savoir à titre d'exemple, Cheikh Rashhi, hafidhahullah ta'ala, l'a autorisé, l'a recommandé même. Il y avait aussi parmi les conditions, ou plutôt les intentions qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de vouloir connaître la situation des tribus. Des tribus qui sont autour ou dans la périphérie, pas dans la périphérique, j'avais dit la périphérique, un frère m'a corrigé, la périphérie de Médine, d'accord? Pour voir quoi? Ceux qui étaient avec lui et ceux qui étaient contre lui. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, il met ça en place, pas pour une seule raison. Il ne voit pas qu'un objectif, plusieurs objectifs. Donc on va les affaiblir, on va renforcer notre armée. On va voir, on va couper les chemins. Donc on va couper leur commerce, ou le ravitaillement, ou plutôt les ressources, d'accord, qui proviennent de Shem, d'accord, pour éviter de leur octroyer une certaine richesse ou pour leur permettre de s'enrichir encore plus. On va voir c'est qui les véridiques et les menteurs, qui sont avec nous, qui sont contre nous. Donc pour un peu, tester un peu, voir où il en est. Comment on prépare la bataille de Badr? Comment on va préparer cette grande bataille? Comment on va pouvoir et sur qui on peut compter, pourquoi conquérir la Mecque? Donc il faut savoir. Il faut savoir c'est qui est avec toi et qui est contre toi. D'accord? Comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, l'hypocrisie al-nifaq est apparue plus clairement et plus visiblement et en plus grande ou de façon plus importante à Médine qu'à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, valait mieux pas pour toi de jouer avec tes mauvaises intentions. Car dès que tu disais Rabbi Allah, on te prenait, on t'agressait, on séquestrait. Où va avoir des hypocrites? T'avais quoi à gagner? Rien du tout. Tandis qu'à Médine, c'était autre chose. Quand tu disais mon Seigneur est Allah, tu avais tout à gagner. Tu avais les musulmans avec toi, tu avais la sécurité, etc. Donc comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'hypocrisie est apparue à fois de plus à Médine qu'à la Mecque. Donc ici le prophète fallait qu'il filtre. Donc c'est parmi les raisons encore. Et ici, conclure des pactes d'alliance avec les tribus avoisinantes. Donc après, savoir musulmans, non-musulmans, non-musulmans. Donc on conclut des pactes. D'accord? Il n'imposait pas le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez la miséricorde, la compassion, le comportement du prophète. Même s'il y avait des tribus contre, donc il n'y a pas de problème. On va conclure des pactes avec eux, tout simplement. On a des pactes, on signe un pacte avec vous, mais voilà, que chacun reste tranquille. Tout simplement. Et de montrer, bien sûr aussi, la force des musulmans. Il est venu le temps de montrer que les musulmans sont forts et ne sont pas faibles. D'accord? Et voilà qu'il y a eu, toutes ces expéditions pendant les deux premières années où ils étaient à Médine, les deux premières années de l'Égir. Donc ils ne sont pas restés dormir. Donc il y a eu plusieurs expéditions. Et tout ceci s'est passé bien sûr avant la grande expédition, qui est l'expédition, ou plutôt la grande guerre, qui est quoi? La guerre ou l'expédition de Badr. Ghazwatu Badr. Cette grande guerre qui est très connue, d'accord? Et qui est une histoire, bien sûr authentique, des récits authentiques, on va voyager à travers le Coran et la Sunna pour rentrer dans les détails concernant cette bataille de Badr, inshallah ta'ala, dans le cours prochain. Donc on va parler de Ghazwat Badr, et ça a été une sorte de préparation aussi pour les musulmans pour pouvoir entamer cette grande bataille qui est la bataille de Badr. Et bien sûr il y a aussi, pour terminer ici, Al-Adhan, c'était à 8, c'est à 13, alhamdoulilah. Donc on termine juste ici, là, rapidement, ça y est. Donc ici, parmi les autres événements qu'il y a eu pendant ces deux années de l'Égir, il y a eu le changement de la Qibla. Ça, c'est des événements à retenir, d'accord? Ça vous profitera tout au long de votre vie, inshallah ta'ala. C'est des choses de base, mais très importantes. Donc il y a eu le changement de la Qibla. On sait que, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que le sahaba, radiyallahu anhu, wardahum, à la Mecque, il priait, d'accord, vers Al-Quds, d'accord, vers Al-Quds. Pendant 16 ou 17 mois. comme il est relaté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim selon Al-Bara. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait la prière vers Al-Quds 16 ou 17 mois, bien qu'il aurait préféré prier vers Mecca. Le prophète alayhi salatu wassalam aurait aimé prier vers Mecca. Il avait cet amour de la Kaaba, de la Mecque. Le prophète, il l'a toujours eu. Et pourquoi pas, alors que la Mecque, c'est la terre la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à titre de révision, celui qui fait deux unités de prière ou une prière à la Mecque, d'accord, dans l'enceinte sacrée de la Mecque, avec divergence, elle est avec Ijmer, dans la mosquée sacrée de la Mecque, il a la récompense de combien de prières? 100 000, mashallah. Celui qui le fait à Médine, il a 1000. Et celui qui fait à Al-Quds, 250, mashallah. 250, 500 c'est un hadith faible, comme l'a dit Cheikh Al-Albani. 250, clair? Donc le prophète alayhi salam avait l'amour de la Mecque. Il voulait toujours prier vers la Mecque, mais c'était, il faisait cette prière vers Al-Quds. Et Al-Bara raconte, et la première prière en direction de Mecca, ou plutôt le prophète rappelle, selon Al-Bara, la première prière en direction de Mecca fut Salat al-Asr, la prière de l'Asr. Et un homme avait participé à cette prière, et en sortant de la mosquée, il est passé par des gens en train de prier dans une autre mosquée en direction d'Al-Quds. Et certains disent que c'est la mosquée qui est appelée maintenant Dhu Qiblatayn. Donc la mosquée aux deux Qiblas, aux deux directions. Et ceux qui y vont, d'accord ? Donc vous pouvez visiter cette mosquée, bon, c'est pas recommandé dans la ziyara de visiter cette mosquée car il n'y a pas de preuves, mais celui qui veut aller voir par curiosité, comme ça il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. Lakin, il ne faut pas faire ça ou faire de cette visite une sunnah, tout simplement. Donc vous verrez dans cette mosquée là où ils indiquent la première qibla vers Qod, c'est la deuxième qibla, bien sûr, la qibla vers la Mecque. Donc ils étaient en train de prier vers Al-Quds. Et là, l'homme qui a prié avec le prophète, alayhi salatu wassalam, il est rapporté que pendant la prière, il a été révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, de changer de qibla. Et pendant la prière, le prophète, alayhi salatu wassalam, a changé de qibla. D'accord? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a terminé la prière, cet homme est parti, et il est passé près de cette mosquée-là, où des autres musulmans priaient, et il faisait la prière. Et il a dit, par Allah, je viens de sortir un instant de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et il a fait la prière vers Mecca. Et les gens se sont tournés directement vers la Mecque. Sami'na wa ata'na. Ils n'ont pas dit, mais pourquoi? Mais ya Rasulallah, comment ça se fait pendant 16 mois? Et pour quelle raison on prie à la Mecque? Et pour... Le prophète a dit, tu le fais. Cherche des explications après, si tu veux. Si on a, quelquefois, il n'y a pas d'explication donnée. Le prophète a dit une chose, on le fait. Allah a autorisé une chose, ou a légiféré une chose plutôt, on l'a fait. S'il y a une explication, on la prend, selon la compréhension des ancêtres pieux, détaillée par nos savants, même contemporains. S'il n'y a pas d'explication, sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Et de là, on tirait certains savants, certaines règles de jurisprudence. Yani, il nous reste une petite minute. Celui qui fait la prière, il doit la faire vers la Qibla. Il y a l'unanimité des savants. Celui qui fait la prière en direction, dans une direction autre que la Qibla, intentionnellement, c'est-à-dire de façon volontaire, sa prière est annulée. Celui qui ne trouve pas la Qibla, il est dans un endroit où il ne trouve pas la Qibla, il ne sait pas, vers où est la Qibla, et le temps de la prière va sortir. Donc à ce moment-là, il fait le maximum, ou il fournit le maximum d'efforts, selon la compréhension bien sûr religieuse, c'est-à-dire par rapport au soleil, etc., pour trouver la Qibla. Ensuite, il prend la direction de la Qibla. Et si il prie dans cette direction qu'il a choisie, d'après son effort, son ijtihad, donc et à ce moment-là, pendant la prière, une personne vient et dit, un tel, tu t'es trompé d'endroit, la prière c'est vers là. D'accord? C'est plus vers le sud, ou plus vers ta droite, ou plus vers ta gauche, et à ce moment-là, toi tu es arrivé à, par exemple, Salat al-Asr, la troisième raka'at. Tu te tournes, est-ce que ta prière est valable ou pas? Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas refait la prière et il n'a pas ordonné de refaire la prière? Concernant la prière surérogatoire, et ça on verra dans les détails dans la jurisprudence, incha'Allah ta'ala, bien sûr, les prières surérogatoires, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, la faisait à Dodan et autres, tu peux la faire en dehors, ou plutôt dans une direction autre que la Qibla. Mais ce qui est recommandé fortement par beaucoup de savants, c'est de commencer takbiratul ihram vers la Qibla, si possible. Et ensuite, même si, par exemple, tu es dans un train ou tu es dans un avion ou je ne sais quoi, sur le dos d'une monture ou dans une voiture et ça change de direction et c'est une prière surérogatoire, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. D'accord? Tu peux la faire, en dehors de la Qibla pour une prière surérogatoire tout en commençant takbiratul ihram, ceci est le meilleur, inshallah ta'ala, et le plus complet, vers al-Qibla. Amma concernant la prière obligatoire, bien sûr, il faut la faire en direction de al-Qibla. Et ceci est certaines règles rapides de jurisprudence. Et on retrouvera ça dans les détails dans les prochains cours de jurisprudence. Et la semaine prochaine, on traitera la bataille de Badr. Bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.